Chapitre 2. Le fléau sur le monde. Au lendemain de ces faits, la France sentit combien sa défaillance avait été grande, et l'opinion publique, tranquillisée, se retourna contre ceux qui avaient obéi à l'ordre mystérieux. Son sentiment de mécontentement aurait d'ailleurs été le même si, par un refus péremptoire, les gouvernants eussent déchaîné de nouvelles catastrophes. Il faut dire d'ailleurs que la presse mondiale ne fut pas étrangère à l'éclosion de ce sentiment. Sous ses condoléances, l'ironie, cruelle, sanglante, se faisait jour. Quelques-uns de ses organes allaient jusqu'à demander ce qu'était devenue la France de 1914 et de 1918, l'accusant presque d'avoir été la dupe d'une bande très vulgaire d'incendiaires et de meurtriers. Les journaux allemands donnaient le ton à ce concert. Mais soudain, une dépêche, une simple dépêche, mit fin brutalement à ses commentaires et ramena le monde à une plus saine compréhension des choses. L'Italie était sommée, à son tour, d'avoir à verser 100 millions dans des conditions identiques à celles qui avaient été imposées à la France. Cette fois, l'incrédulité n'était plus permise. Et le jour même où cette dépêche avait été transmise par Lavasse, Escandeur filait vers la péninsule. Son premier article fut passionnant. Nous le transcrivons ici. Il y a 3 jours, un petit pâtre qui faisait paître ses chèvres au flanc des Alpes ligurgiques ne se doutait pas qu'il allait assister à une sorte de répétition des catastrophes que menace de déchaîner le mystérieux bandit. L'air était limpide et chaud, sous un ciel radieux. À peine si une brise légère agitait les feuilles. Des parfums flottaient, les cigales lançaient leurs chants stridents, et le pâtre se sentait confusément pénétré d'une joie profonde et tranquille qu'il n'aurait pu expliquer. Tout à coup, sur une bande parfaitement définie et pouvant avoir 4 kilomètres de long sur 200 mètres de large, le ciel s'obscurcit. Ce fut comme une tache noire ou presque noire qui s'étendit et parcourut lentement l'azur qui continuait de rester pur tout autour de cette tache insolite. Alors seulement, au bout de quelques minutes, le phénomène se produisit. Sous l'ombre qui s'étendait ainsi, sans qu'on pût voir le corps qui la produisait, l'atmosphère se condensa, et de ce nuage factice commença de tomber une neige légère, à laquelle succédèrent de petits glaçons. Le pâtre, épouvanté, grelotta. Les chèvres bêlèrent et cherchèrent vainement un refuge. Puis, toujours sans cause apparente, le phénomène cessa brusquement. La tache sembla se rouler sur elle-même, et le pâtre, de plus en plus terrifié, sentit que la température redevenait douce. Du phénomène, il ne resta qu'un seul mouillé, un peu de neige au creux des troncs, au fin bout de branchettes, puis cela même disparut. Le pâtre, poussant son troupeau, affolé comme lui-même, descendit dans la vallée, récitant précipitamment des prières à la Madone et tenant son scapulaire serré contre sa poitrine. À la même heure, le lendemain, on apporta au roi un étrange message venu d'un point ignoré par la TSF. Ce message aux sources mystérieuses, je n'en connais pas le texte qui est maintenu secret, mais on peut conjecturer que, rappelant les sinistres qui viennent de désoler la France, il menace l'Italie et lui réclame sa rançon. Si l'on confronte les heures et les dates, on s'apercevra que ce message a été envoyé au roi le lendemain du jour où le pâtre a été témoin du phénomène qui l'a épouvanté. On peut donc émettre l'hypothèse que le berger a assisté à un essai d'application du nouveau pouvoir malfaisant que possèdent les bandits, car cette fois, ce n'est pas le feu qu'ils ont employé, le feu aux flammes mordantes, mais le froid terrible, meurtrier, dévastateur. Le mot d'ordre étant « silence à tout prix », le peuple fut laissé dans l'ignorance des faits. On les dissimula même avec un soin particulier. Une grande fête était annoncée et préparée depuis longtemps à Civita Vecchia. La reine et les enfants royaux devaient y assister, et de fait ils y assistèrent. Partout, l'heureuse ville était en joie. Des orchestres, des chanteurs, de belles jeunes filles aux jupes volantes, aux rires sonores, des hommes beaux comme des marbres antiques, la veste sur l'épaule, s'avançaient dans les rues. Sur le corso, les équipages luxueux, décorés de fleurs, remplis de jolies femmes, passaient au milieu du peuple qui leur jetait des mimosas, des roses et des lys. Un soleil de feu épandait sur cette joie bruyante la magie de sa lumière. Au loin, bleu comme le ciel, la mer chantait sur son rivage. Le soir devait avoir lieu une grande redoute au Cursal, un feu d'artifice sur la mer. toute cette foule en liesse fut dispersée d'un seul coup. Sur le peuple en fête, ivre de la joie de vivre, un nuage noir s'étendit, interceptant les rayons solaires. Puis, couvrant toute la partie de la ville où se déroulait la fête, le phénomène s'accrut rapidement. Un souffle de vent froid passa comme une trombe, semant la stupéfaction, la peur, puis la panique. Au-delà du périmètre menacé, la foule, stupéfiée, pouvait constater que rien ne paraissait changer. Le soleil, l'ardent soleil, continuait de briller, les fleurs de resplendir. La large tache noire qui se découpait dans le ciel sembla descendre, tomber lentement sur la ville comme une chape de plomb qui eût amené soudain avec elle un froid terrible, jusqu'alors inconnu dans cette région bénie. Les fontaines gelèrent, les fleurs se flétrirent instantanément sur leurs tiges, les arbres perdirent leurs feuilles et se couvrirent de givre. Puis la neige, une neige légère comme un vol de papillon, se mit à tomber. Des glaçons fins et piquants comme des aiguilles suivirent, augmentant encore le froid mortel. On sait que depuis une douzaine d'années, un grand sanatorium pour tuberculeux a été construit à Civita Vecchia par les soins de richissimes américains. On sait ce que ce palace, qui recèle toute une civilisation raffinée, comporte de luxe et de confort, s'élève au fond d'un parc qui, à lui seul, est une véritable merveille. On sait aussi que dans ce paradis dolent, les malades, grâce aux soins entendus dont ils sont l'objet, grâce à une méthode nouvelle de combattre cette terrible maladie, recouvrent même au troisième degré du mal leur santé pour toujours raffermie. Au moment où éclata le cataclysme, le sanatorium contenait 600 pensionnaires. La moitié fut fauchée, du coup, d'une façon foudroyante, en quelques heures. En proie à une appréhension irraisonnée, la foule craignit une catastrophe violente comme celle qui désolèrent la Sicile. Le phénomène apparut à beaucoup comme une sorte d'avertissement, comme l'annonce d'une secousse terrestre épouvantable. La reine, malgré ses protestations, fut jetée, avec les enfants royaux, dans un train formé en hâte. La foule, cédant la peur, se précipita dans les églises. Quand elles furent pleines, elle se rua à genoux sur les parvis. On entendit des femmes confesser tout haut leurs fautes. Des hommes, citadins aussi bien que paysans ou marins brûlés par le soleil, tannés par les vents du large, montrèrent la même terreur, confinant à la folie. Ailleurs, c'était la fuite éperdue. J'ai vu, au coin des rues Garibaldi et Saint-Janvier, s'écraser l'un contre l'autre deux courants de fuyards. On a ramassé là 50 cadavres et plus de 100 blessés. Ce fut atroce. La première dépêche d'Escander s'arrêtait là. Dans la journée du surlendemain, il en arriva une autre. La voici. Rome. C'est fini, l'Italie a capitulé. Mais laissez-moi reprendre mon récit au point où je l'ai laissé. Vous comprendrez mieux pourquoi le gouvernement italien fut coupable à l'origine en gardant le silence, et pourquoi il le fut encore davantage en refusant de payer la rançon dès la première sommation. Ce qui s'est passé en France aurait dû, cependant, lui ouvrir et les yeux et les oreilles. Le phénomène qui ravagea Civita Vecchia dura exactement 2 heures. Ce peu de temps suffit pour détruire toute vie végétale, pour semer le deuil dans tous les quartiers de la ville. Quand la terrible chose prit fin, il sembla que l'un des bouts du grand nuage funèbre se roulait vers l'autre bout. Les gens, qui gardèrent assez de sang-froid durant ces minutes affolantes, déclarèrent ensuite que le nuage ne fut bientôt plus qu'une étroite bande obscure, libérant peu à peu le ciel, qui reprit sa splendeur première. Le soleil fit fondre neige et glace, les gens, sortant comme hébétés de ces ténèbres glacées, reprirent peu à peu le sens de la vie, et rien ne serait resté de ces 2 heures tragiques si les cadavres ramassés un peu partout n'en avaient attesté l'existence. Turin, Milan, Bologne furent soumises aux mêmes rigueurs. Mais à Bologne, afin qu'on connût sans doute toute leur puissance, les bandits se servirent comme en France de la chaleur, et la ville fut presque entièrement consumée. Un second message, envoyé par la puissance occulte qui détenait à son gré les extrêmes rigueurs du froid aussi bien que celles du feu, mais adressé cette fois par l'entremise des journaux au peuple italien tout entier, annonça que le tour de la ville éternelle était arrivé. Le Popolo Romano ouvrit une souscription publique pour aider le gouvernement en cette passe difficile, et celui-ci, enfin, consentit à capituler. C'est ainsi que l'Italie a été délivrée. « Et maintenant, à qui le tour ?» concluait l'envoyé du monde. Cette dépêche, qui ne laissait aucune place au plus vague et fragile optimisme, redoubla la stupeur et l'épouvante. Les populations terrifiées commencèrent à comprendre que les invisibles ennemis qui menaçaient le monde étaient et demeuraient insaisissables, que les pouvoirs publics, la force armée, la coalition des puissances, l'effort commun étaient illusoires, et qu'il n'y avait plus qu'à attendre une nouvelle catastrophe ou à se courber sous l'inéluctable.